Parfois quand vient le soir, une larme coule dans le noir en silence. Tout doucement, la tête sur l'oreiller, j'aimerais tant oublier ton absence. Mais je me mens, car ce mal fait du bien, j'y peux rien. Il est là, j'en ai besoin. Comme un lien entre nous, une sorte de rendez-vous. Même si ces souvenirs font mal, je m'en fous. Je me raccroche à ce que je peux, aux souvenirs de tes yeux à ses lèvres qui me sourient, à ce geste dans tes cheveux, ton parfum délicieux comme un rêve qui me poursuit. Oui, ce mal fait du bien, j'y peux rien. Il est là et j'en ai besoin. Comme un lien entre nous, une sorte de rendez-vous. Même si ces souvenirs font mal, je m'en fous. Mais cette larme décline, sur mes lèvres se dessine un sourire tellement discret. Même si tu n'es pas là, tu restes au fond de moi mon avenir, mon plus beau projet. Au-delà de ce profond silence, l'empreinte de ton existence, une lumière dans le noir, une suite à cette histoire. Je sais qu'on se réveillera un peu plus tard.